C'est un mystère parce que ça se comprend pas. Bien qu'une partie de l'homme qui essaye de comprendre l'intelligence et sa personnalité, ça se comprend pas l'intelligence. C'est de l'énergie, l'intelligence. Ça se comprend pas l'énergie. Ça se vit, ça se canalise. Ça peut être exploité. Mais ça se comprend pas l'intelligence. Moi, je comprends pas ça l'intelligence. Mais ça se vit l'intelligence. Nous autres, on veut comprendre ça l'intelligence. Puis on veut comprendre ça de la volonté. Puis on veut comprendre ça de l'amour. Ça se comprend pas de la volonté, de l'intelligence puis de l'amour. C'est de l'énergie. Ben, qu'on a de l'énergie, ça se comprend pas. Parce que comprendre, ça fait partie de la personnalité. Fait que quand t'as plus de personnalité, tu comprends plus rien. Mais quand on est dans notre personnalité, là, on essaie de comprendre ça de la volonté, puis de l'amour, puis de l'intelligence, puis c'est là qu'on développe des théories, comme vous parlez, puis c'est là qu'on développe la spiritualité, puis c'est là qu'on développe des théories scientifiques. Psychologie, l'intelligence. Je comprends pas, ça va là. Ça fait partie de la personnalité, comprendre. Mais ça se vit. Puis c'est ça, la vie. La vie, c'est le mouvement, ces trois énergies-là. Merci. Fait que quand on est dans la sécurité mentale, on la vit l'intelligence, puis on la vit la volonté, puis on la vit l'amour, puis à ce moment-là, ben, on est bien. Mais on la comprend pas. Fait que tant qu'on veut comprendre quelque chose, mais la personnalité est forte dans l'homme. C'est pour ça que l'ego est toujours... il est toujours à la recherche, puis il est toujours à se cramponner après quelque chose. Cramponner par quoi? Maudite habitude qu'on a. Bye, Joe. Je C'est pas ça être centrique. Ah, c'est pas ça être centré. Ça, c'est se concentrer. Quand t'es centré, t'as pas besoin de te concentrer, t'es tout concentré. On laisse créer l'énergie, on laisse dire... C'est pas... Être centré, c'est pas laisser couler l'énergie. Elle coule tout le temps, l'énergie. Comment que tu la laisseras pas couler, elle coule pareil? On se met à l'écoute. Ah, se mettre à l'écoute, c'est la spiritualité. Bon, ben, on essaie de capter l'énergie créatrice que tu parles. C'est encore la personnalité. Mais c'est la parle. Elle passe tout le temps? Ben, elle passe, c'est ça. Ben, si elle passe, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous mettez dedans? Non, si on la capte, là, disons. Comment ça, vous la captez? Elle est toujours là. On la capte pas quand on n'est pas branché, ça nous sent. À part qu'on n'a pas connaissance. Branché? Si on essaie de devenir conscient. Tu peux pas essayer de devenir conscient, c'est impossible. Tu peux pas essayer de devenir conscient. C'est impossible d'essayer de devenir conscient. Voyons que c'est ça. Ça, c'est essayer de faire quelque chose. Comprenez-vous, je veux dire? Non. Mais vous l'avez dit, ça se comprend. Pour demain. Moi, ce que je voulais apporter là, concrètement pour aujourd'hui, là, si on pense qu'on a des pensées créatives, là, on se branche là-dessus, et on est bon, en tout cas, je vais prendre des mots, je vais dire, non, c'est à l'écoute de ça. On essaie de réaliser ça, et puis, t'apportes là-dedans une. Comme réponse. Ce que je veux dire concrètement, là, donc, je suis jeune, moi, là. Je vais être centrée, puis je vais essayer d'aller vers les idées qui me viennent. Mais ton arrière-plan, j'ai une raison qui me fait faire ça. Ma raison, ça va être premièrement d'abord de gagner ma croûte dans ma vie. Faut bien que je mange. Si j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, ouais. Faut bien que je fasse quelque chose pour gagner ma vie. Ouais. Bon. Est-ce que je suis dans la...

Tout le monde se branche. Pauline, machin, elle s'est branchée pendant des années de temps. Elle a fligé des branches. Se brancher. Là, se brancher. Mais ils vont se voir se brancher. Les tuiles qui nous tombent sur la tête, les étendettes, c'est pas vous autres qui les demandent. C'est pas vous autres qui les demandent, c'est pas vous autres qui les écrivent. Vous êtes obligés de les subir jusqu'à temps que vous n'avez plein de casse. Puis quand vous n'avez plein de casse, vous n'avez plein de cul de conscience. Moi, je n'ai plein de cul de conscience. Est-ce qu'on demande rien pour vous là? C'est subtil ce que je dis là. Vous autres, la conscience, c'est comme un gros yo-yo, un gros toutou, là, une grosse patente. Mais un tout qu'on a plein de cul. Ouais. Là, vous commencez à être conscient. Quand tu commences à avoir plein de cul de la conscience, que tu commences à être conscient, tant que tu n'as pas qu'un cul de la conscience, tu n'es pas conscient. Tu es dans l'esprit de la conscience. L'esprit de la conscience, c'est quoi? C'est l'esprit de la personnalité. Ben, c'est normal. Normal. L'esprit de la conscience. Il faut que vous sortiez de l'esprit de la conscience pour entrer dans la conscience. Puis quand vous êtes dans la conscience, laissez-moi te dire, vous avez plein de cul de la conscience. Quand t'es dans le vide, t'es intéressé avec au vide. T'es pas intéressé à un remplissage. La conscience va te faire passer avec les interférences. Moi, je suis bien quand tu me sacres la paix, eux autres, pas quand tu me parles que je suis bien. C'est quand tu me sacres la paix que je suis bien. Quand tu me parles, il y a tout de la merde au bout du poteau. Tout le temps. Tout le temps. Où c'est-tu qui me parle? Ou s'ils me disent une bonne nouvelle, ils me disent laisse faire. Je verrai tout à l'heure. Crisse-moi à paix. Quand ils me disent dans deux semaines, tu vas être une bonne quelqu'un qui va te visiter, tu vas être bien content. Je dis, mange la marde. Parce que je sais que dans deux semaines, ils vont être obligés de casser encore des ponts puis casser des ponts. Ils me font pas de faveur, eux autres, moi. Vous autres, vous avez été tellement spiritualisés par la civilisation que tout ce que vous voyez, c'est des faveurs, puis petit Jésus en haut, puis petit Christ en haut, toute la gang. C'est vrai. Quand vous allez comprendre ce que je comprends, vous allez sortir de vos. Votre esprit de conscience. C'est pour ça que, mec, j'écrive mon livre, ça va être un livre maudit parce qu'il va faire sauter bien du monde. Il y a bien du monde qui va sauter. Il y a toute nouvelle, vous autres, moi. D'un coup, t'es dans ce plan-là, tu démarres. Tu t'en sors. Ouais, tu t'en sors. Si tu sais pas quand t'en sortir, c'est parce que t'as pas de volonté. Puis c'est là que tu vas développer ta volonté. C'est juste le temps que tu développes. Ouais, c'est la seule place que t'as développé. C'est que vous connaissez du cosmos, vous autres. C'est le cosmos, le cosmos. Quand vous allez comprendre ça, le cosmos, comme je le comprends, vous allez voir Terre en maudit. L'autre, elle se demande pourquoi c'est pas d'orgueil. Je comprends, je te comprends. Parce que moi, je me voyais parler, je me disais la même chose. Il est bien orgueilleux, que ça. Hey, Chris, il vient un temps dans l'évolution de l'homme qu'il faut qu'on sache ce qui se passe dans l'univers, puis dans nous autres, puis dans tout. On n'est pas des yo-yo. C'est parce que vous n'avez pas assez souffert encore, vous autres. Quand vous avez souffert comme moi, c'est la conscience, c'est un cul maudit. Vous êtes tous des humains, ça, votre problème. Vous n'êtes pas des hommes encore. Ben, allez donc dire ça, un millionnaire. Allez dire ça, un millionnaire, là, qui se promène en gros yacht dans le sud, là, dans les Caraïbes, qui ça vaut pas la peine d'avoir vécu, qui va crisser à l'eau. Certain, il a raison. Parce que dans son corps, ça va à peine être vécu. Il est bien. Il manque du steak à tous les soirs. Non, mais au niveau de conscience, quand on a dépassé ça, c'est matérialiste. Il n'y a plus raison, c'est mal. Pour avoir dépassé cette période-là, il n'y a plus raison, c'est mal. La vie, ça va à peine d'être vécu, même quand tu es immortel. Quand tu n'es pas immortel, ça ne vaut pas à peine d'être vécu, même si tu es mien. C'est ça. Être immortel, ça va à être inconscient. Puis, il faut dire que vous avez des ouais, mais il y a une nuance dans ce que je dis. Quand je dis je n'ai plein de cul de la conscience, je vous dis je n'ai plein de cul de l'esprit de la conscience. C'est l'esprit de la conscience que je suis pas intéressé. Pas la conscience, la conscience c'est là. La conscience c'est dans tout, c'est dans la chaise, c'est dans mon drink, c'est dans mes culottes, c'est tout partout la conscience. Mais vous autres, vous êtes en dehors de la conscience, vous êtes dans l'esprit de la conscience, vous n'êtes pas dans la conscience. Moi, je suis dans la conscience. Puis quand t'es dans la conscience, c'est dans la conscience. Quand t'es dans la conscience, t'es dans la conscience. Faudrait vous jeter assez. Fait qu'une étape de ta vie où tu décolles, que c'est que tu vis dans ce que tu vis. Et quand tu rentres dans la conscience, t'as plus besoin de décoller parce que tu sais que tu fais ce que reste.

Quand je dis les gens gueulent dans le séminaire, ils disent comment souffre qu'on tousse, souffre, ça fait 20 ans que je souffre. Ben oui, tu souffres, ça fait 20 ans que tu souffres inconsciemment. Mais tu souffres consciemment, c'est un opéra. Tu peux pas rentrer en conscience pour souffrir. C'est impossible. C'est impossible. Quelque part dans le temps, il faut que tu souffres. C'est impossible. Tu veux plus, moins, plus vite, moins vite. Il faut que tu souffres. Il faut qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans. Sans ça, il se passerait rien. Tu ne souffrirais pas. Ça serait du dorage de pelure. Vous deviendrez des êtres spirituels avec des auras gros comme la maison. On était mal informés, mal éduqués, puis on comprend rien. Fait que 22 sont les poignets. Puis on est capable, on a la chance, dans ce six-site, de tout défaire ça. C'est ça, conscient. Mais comment tu voudrais être conscient? Si t'es pas pour être conscient, tu peux pas être conscient. Ça dépend de l'évolution de l'âme. Mais es-tu prête, l'âme, à faire la connexion avec eux autres en haut? Faut que l'âme soit prête. Si l'âme n'est pas prête à faire la connexion avec eux autres, comment est-ce que ton ego ici de sa terre serait, voudrait bien être spirituel, puis voudrait bien être ici, puis voudrait bien être ça? Comment est-ce que tu serais un maître? Tu vas devoir mourir pareil? Ça meurt des maîtres? C'est pas des immortels, des maîtres? Putain, c'est des êtres sages, mais ils ont des cycles à passer encore.